السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، avant de continuer ce cours donc hebdomadaire, on va commencer par revenir sur un point que j'ai abordé la semaine dernière concernant l'explication de la sourate d'Al-Fatiha. J'ai pu dire, dans le sens de mes propos, concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Ihdina al-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, walad-dallin. » Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas celui de ceux qui ont encouru la colère, ni des égarés. J'avais abordé le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des actes qui sont liés à ses bienfaits, il cite textuellement son nom, où il fait référence directement au fait que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a fait cette chose-là. Quant à ceux qui n'auraient pas trait aux actes qui sont liés à la bienfaisance, comme lorsque c'est le cas de la punition, du châtiment, de la rétribution, par laquelle il rétribue ceux qui lui désobéissent, alors à ce moment-là, il ne cite pas directement que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui les a fait, et il utilise la voix passive, comme c'est le cas ici, dans ce verset. Le problème, c'est que dans mon explication, Wallahu al-musta'an, on pouvait, ou ça laissait largement entendre, que l'attribut de la colère pourrait être considéré comme étant du mal, étant donné que dans mon explication, donc j'avais dit que c'est une manière utilisée dans le Coran afin d'éduquer les serviteurs au fait que le mal n'est pas directement attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la manière que j'avais eu de l'expliquer, on pouvait comprendre que l'attribut de la colère que nous attribuons à Allah subhanahu wa ta'ala est un mal. Ce qui n'est bien sûr pas le cas. Donc pour ceux qui auraient été amenés à comprendre cette chose-là, donc j'apporte cette rectification et cet éclaircissement, et évidemment que nous n'attribuons pas le mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en voulant expliquer cette chose-là, Wallahu al-musta'an, je suis tombé dans l'inverse de ce que je voulais. Astaghfirullah subhanahu wa ta'ala, nous demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir dit quelque chose qui ne sied pas à sa grandeur et à sa perfection, et on lui demande protection contre les écarts, que ce soit dans la parole ou dans les actes. Wallahu al-musta'an. Donc ceux qui étaient là la semaine dernière et qui n'ont pas assisté aujourd'hui, ou qui ont écouté la semaine dernière par le biais, par exemple, de la radio ou autre. Donc je demande aux frères et aux sœurs donc qui écoutent donc cette rectification-là, de le transmettre et de le propager. Barakallahu fikum. Du fait qu'on a eu un peu de retard, on va passer outre les questions que je comptais poser donc aux frères concernant le cours prochain, et peut-être que nous aurons l'occasion de le faire la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala. Et nous allons donc rentrer dans la seconde leçon du Shir Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dans son livre Ad-Durus al-Muhimma, les leçons importantes pour toute la communauté. Il a dit donc dans la deuxième leçon, l'attestation La ilaha illallah, que nulle divinité ne mérite d'être adorée sauf Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. en expliquant sa signification et en montrant les conditions de cette attestation. Son sens est le suivant. Nulle divinité ne mérite d'être adorée, sauf Allah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée, sauf Allah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée, ça renie tout ce qui est adoré. Naam. Le fait que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala le mérite. Sauf Allah, ça affirme que l'adoration est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun associé dans cela. Quant aux conditions de cette attestation, elles sont le savoir de son sens qui s'oppose à l'ignorance, la certitude qui s'oppose au doute, l'exclusivité du culte, l'ikhlas, qui s'oppose au polythéisme, le shirk, la véracité, le sidq, qui s'oppose au mensonge, l'amour, le mahabba, qui s'oppose au fait de détester, la soumission, l'inqiyad, qui s'oppose au délaissement, l'acceptation, le kaboul, qui s'oppose au rejet, et le rejet de tout ce qui est adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains ont rassemblé ces conditions sous forme de vers en disant ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbati wa inqiyadi wal qabul ilaha wa zida thaminuha al kufran minka bima siwa al ilahi min al awthan qad ulliha. Savoir avec certitude, sincérité, amour, soumission, mais aussi véracité, l'acceptation et huitièmement le rejet de tout ce qui, en dehors d'Allah, est adoré. Donc ça constitue la première leçon, la deuxième leçon, des leçons importantes de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. On va aborder donc plusieurs points concernant l'explication de cette seconde leçon. Après celle qui était consacrée à l'explication de la Fatiha. Le premier point concerne la place importante qu'occupe l'attestation de foi, shahada, que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah et que Muhammad et le messager d'Allah. Parmi les nombreux points, et ils sont très nombreux, qui mettent en évidence l'importance et la place importante qu'occupe cette attestation de foi-là, il y a le fait que c'est par elle que l'on devient musulman. Une personne, pour qu'elle devienne musulmane, pour qu'elle entre et qu'elle embrasse la religion de vérité, qui est la seule religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, il faut qu'elle prononce cette attestation-là. C'est donc par elle que l'individu rentre dans la religion de vérité. C'est également le premier pilier de l'islam. Comme cela a été rapporté par Omar, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, lorsqu'il a relaté l'histoire de Jibril qui s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme humaine et qui a questionné le prophète alayhi salatu wa sallam concernant l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité les cinq piliers et le premier de ces piliers correspondait à l'attestation de foi. Shahada. Également, c'est par elle que l'on se doit de quitter ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a disait, celui dont la dernière parole c'est la ilaha illallah entrera au paradis. Le second point concernant l'explication de cette seconde leçon concerne les mérites. De cette attestation-là. Il faut savoir que c'est la meilleure des actions. que tu puisses accomplir, le fait que tu attestes et que tu proclames La ilaha illallah, que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir également qu'elle engendre le pardon divin. Elle engendre le pardon divin. Et également, elle est le prix du paradis. Et nous avons vu également qu'elle en est la clé. Et comme nous allons le répéter par la suite, lorsque nous allons aborder la parole de Wahb ibn Munabbih, rahimahullah. Et c'est par elle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fermé les croyants lorsqu'ils sont questionnés dans leur tombe par les deux anges, Munkar et Nakir, comme cela a été rapporté dans le hadith de Al-Bara ibn Azib. D'Al-Bara ibn Azib. Naam. Comme il a été rapporté dans les Sunan d'Abi Daoud, rahimahullah, et d'autres, qui rapportent donc que la personne, lorsqu'elle meurt et qu'elle est enterrée, trois questions lui sont posées par deux anges qui se présentent à elle et qui lui disent « Eh toi !» Ils l'interpellent. Ils lui disent « Eh toi !» Quelle est la divinité que tu adores ? Quelle est ta religion ? Et quel est ton prophète ? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fermé les croyants lors de cette épreuve-là, il les raffermit par cette parole ferme. Et c'est à cette parole, « La ilaha illallah » qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait référence lorsqu'il dit dans surat Ibrahim, « يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ » Les savants de l'exégèse ont expliqué qu'ici, ce qui est voulu, c'est l'épreuve de la tombe, les trois questions de la tombe. Et que Al-Qawl al-Thabit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah raffermit ceux qui ont cru par une parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, ils ont dit que la parole ferme, c'est la ilaha illallah, ce qui met en évidence encore une fois, les mérites de cette parole. Et elle est le slogan des croyants lorsqu'ils sortiront de leur tombe et qu'ils seront ressuscités. Et je vous renvoie donc au commentaire de Cheikh Faiz qui a été traduit, la page 24 et 26, pour que vous puissiez lire donc et vous rendre compte des autres mérites, ou de certains autres mérites, dont bénéficie la parole « La ilaha illallah ». Le troisième point concerne l'explication de ce qu'on appelle l'attestation de « La ilaha illallah », que l'attestation que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. « Shahadatu an la ilaha illallah ». Al-Shahada, commençons donc par le commencement. Al-Shahada, en arabe, c'est composé de trois lettres. Le Shin, le Ha et le Dal. Ibn Faris, qui fait partie des grands linguistes arabes, disait, les lettres Shin, Ha et Dal, donc qui correspondent en arabe donc au son She, au son ha, même s'il n'existe pas, et au dal, donc, shahada, ou shahida, constitue une base linguistique qui indique des notions de présence. Donc, premièrement, notion de présence, savoir et information. Donc, il faut savoir que quand on parle de shahada, en tout cas dans la langue arabe, il y a trois notions qui sont comprises dans cela. La présence, le savoir et l'information, le fait d'informer autrui. Ibn Faris de continuer en disant « sans qu'aucun de ces dérivés n'en déroge ». Donc tous les dérivés de cette base linguistique-là, ils comprendront ces trois notions. La présence, le savoir et le fait d'informer d'informer autrui. Dans le domaine religieux, dans le jargon religieux, quand on parle de la shahada, na'am, l'attestation, en elle-même, elle inclut la connaissance de ce qui est attesté. La connaissance de ce dont tu attestes. La véracité dans tes propos, na'am. Ce qui revient au sens linguistique quand on a dit la présence. Donc ici, on le retrouve dans le sens religieux lorsqu'on parle de la véracité. Na'am. Et la prononciation, le fait que tu prononces cette chose-là. Donc il faut impérativement que ces trois choses-là soient réunies comme nous allons le voir. Ibn Taymiyyah disait dans Majmou' al-Fatawa, il est impératif que l'attestation shahada inclut la connaissance de celui qui atteste, donc celui qui est l'auteur de cette attestation, il faut qu'il ait connaissance de ce qu'il atteste, ainsi que la véracité, na'am, la véracité, tout comme il est impératif qu'il affirme cela clairement. Donc il ne faut pas qu'il se contente de ce qu'il a, de son savoir et de ce qu'il a dans le cœur. Il faut impérativement qu'il le prononce. Il faut impérativement qu'il le prononce. Et ce qui est voulu de l'attestation ne peut être atteint que par ces trois points. Donc quelqu'un qui viendrait à connaître le sens de la ilaha illallah, na'am, à reconnaître dans son cœur la véracité de cela, que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, mais qui ne le prononcerait pas par sa bouche, ne serait pas considéré comme ayant attesté. C'est ainsi donc que les piliers de l'attestation de foi en islam sont au nombre de trois. Ils sont au nombre de trois. La certitude, na'am, et la véracité. Et la place de ceci, c'est dans le cœur. La certitude et la véracité. Ça, c'est ce qu'il y a dans le cœur. La connaissance, na'am, et le fait d'en informer autrui. Le fait d'en informer autrui. Donc il faut impérativement informer autrui de cette chose-là, et ça ne doit pas être juste le fait d'adhérer avec son cœur. Et Ibn Manda, qui fait partie donc des grands savants anciens, a dit dans son livre Al-Iman, lorsqu'il a commenté le hadith connu qui fait référence aux branches de la foi, que vous connaissez tous, le hadith d'Abu Huraira, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il disait que la foi, c'est 70 et quelques branches. La plus haute, c'est le fait de dire la ilaha illallah, et la plus basse, c'est le fait d'enlever ou d'ôter la gêne du chemin. Et la pudeur est une branche de la foi. Et la pudeur est une branche de la foi. Ibn Manda a dit, en commentaire de ce hadith, il a dit, et l'attestation, donc shahada, nous sommes toujours en train de parler d'attestation, correspond à son acte par le cœur et la langue. Donc, le cœur et la langue. Pas de divergence chez les musulmans à ce sujet. Na'am. Donc, l'attestation, quand on parle d'attestation, c'est avec le cœur et le fait de le prononcer avec la langue. Ibn Manda de continuer en disant, quant à la pudeur, elle réside dans le cœur, tandis que le fait d'ôter les choses nuisibles du chemin est l'acte du reste des membres. Donc là, il parlait cette fois-ci de la foi. Na'am. Je me suis un peu attardé à parler de ça, car parfois il y a une confusion qui est faite. Quand on parle de shahada, que l'on traduit par attestation de foi. Et quand tu en viens à dire que c'est avec le cœur et la langue, certains frères peuvent se poser des questions et de dire, mais où sont les actes? Et cette interrogation-là, elle est due à quoi? Elle est due au problème de certaines correspondances qui n'existent pas entre l'arabe et le français. Donc shahada, on le traduit par attestation de foi. Naam. Mais l'attestation de foi, c'est différent de la foi. Quand on parle d'attestation de foi, c'est une chose. Naam. Et la foi, ça en est une autre, même si bien sûr, c'est lié. Et que l'attestation de foi, c'est la plus haute des branches de la foi. Mais quand on parle d'attestation, donc on est bien d'accord qu'on parle ici de ce qu'il y a dans le cœur et de ce que la langue prononce. Et on comprend ici également l'erreur d'une personne qui s'est avancée à répliquer à un groupe connu parmi les groupes innovateurs qui sont connus actuellement et qui sévissent en France et ailleurs, partout dans le monde, même dans des endroits où on ne se l'imaginerait pas. Naam. Et cette personne-là, donc, elle s'est proposée de répliquer à ce groupe-là, ce qui en soi est une bonne chose. Par contre, comme vous le savez, les groupes innovateurs, malheureusement, ils ont déjà beaucoup d'égarements à leur actif. Nul besoin d'en rajouter. Al-Muhim, donc cette personne, donc, qui s'est proposée de leur répondre, elle a vu qu'un des membres de ce groupe-là avait écrit sur un de ses sites internet la double déclaration de foi à Shahada. Donc cette personne-là, donc, qui faisait partie de ce groupe, a dit la double déclaration de foi à Shahada. Puis il a continué en disant ceci doit inclure la croyance du cœur avec la prononciation de la langue. Cette personne-là, donc, elle a répondu et elle a dit, donc la personne qui a cherché à répliquer donc, à ce groupe-là, elle a dit, et cela ne pouvait pas être plus clair, ils n'ont pas cité les actes, et à partir de là, donc, il a dit que c'était de l'irja. L'irja, c'est quoi? C'est le fait de, littéralement, de retarder. Et c'est le fait, donc, quand on parle d'irja en religion, c'est le fait d'exclure les actes de la définition de la foi. De la définition de la foi, al-iman. Et nous allons, la semaine prochaine, incha'Allah, aborder ce qu'est al-iman. Donc cette personne-là, elle a dit, et cela ne pouvait pas être plus clair, ils n'ont pas cité les actes, et il s'est basé sur cela pour dire que donc, que c'était de l'irja. Sauf qu'il y a une différence, mes frères, entre shahada et l'iman. Shahada, on l'a expliqué, donc, ça comprend l'adhérence du cœur et la prononciation de la langue. Ce qui n'est pas le cas de la foi, dans lequel tu vas rajouter les actes des membres. Dans lesquels tu vas rajouter les actes des membres. Donc, ne tombe pas dans la confusion et ne pense pas que lorsque nous parlons de shahada et que nous ne citons pas les actes des membres, que c'est de l'irja. Non, c'est que nous ne sommes pas en train de parler de la foi en elle-même, l'iman. Cette parenthèse fermée, abordons maintenant la signification de la ilaha illallah. La ilaha illallah, chers frères, ça signifie nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Il y a donc deux piliers dans cette parole-là, dans l'attestation de foi, la ilaha illallah. Le premier des piliers, c'est la négation. Naam. Et le second, c'est l'affirmation. Quand tu dis « La ilaha », c'est une négation. Tu es en train de nier le fait que quiconque ne mérite l'adoration. Puis, tu fais suivre cette négation-là par une affirmation. Lorsque tu dis « Illallah », sauf Allah, excepté Allah, nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et le fait de faire suivre la négation par une affirmation, ça permet de mettre en évidence une notion ou un principe d'exclusivité. Par exemple, si je dis Siddiq est assis. Je dis Siddiq est assis. C'est une affirmation. Une simple affirmation. Ça ne veut pas dire que tous les autres qui sont présents parmi nous sont debout ou couchés. Ça veut juste dire que Siddiq est assis. Par contre, si je dis personne n'est assis dans la pièce, sauf Siddiq, tu comprendras de ça l'exclusivité. Que le frère, donc, il est le seul à être assis. Là, c'est le même principe. Là, c'est le même principe. Pour mettre en avant et en évidence et en exergue ce principe d'exclusivité, tu fais suivre la négation par l'affirmation. Et c'est ainsi que tu dis « La ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré ». Ça, c'est la négation. Sauf Allah. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, nous avons vu la définition, la signification de la ilaha illallah, ainsi que ces deux piliers. Et je vous renvoie aux commentaires, toujours à la page 24, pour aborder certaines explications qui ont été avancées concernant la ilaha illallah, mais qui sont erronées. Je vous renvoie donc aux commentaires et je remets à plus tard l'explication ou la réplique et la réfutation à ces différentes explications qui ont été données à la ilaha illallah plus tard, incha'Allah ta'ala. Et toujours dans ce troisième point, abordons maintenant la signification de la seconde partie de l'attestation de foi, shahada, lorsque nous disons wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Donc quand tu dis ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ça signifie j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Et ça implique quatre points. Ça implique quatre points, Zakaria. Naam, il y a quatre points qui sont impliqués par l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah. Le fait de reconnaître véridiques les informations qui nous sont parvenues de lui de manière authentique. Le fait de reconnaître véridiques les informations qui nous sont parvenues de lui, sallallahu alayhi wa sallam, de manière authentique. Le fait, c'est le second point qui est impliqué par la deuxième partie de l'attestation de foi, lorsque nous disons j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah, le fait de lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Le fait de lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Troisième point, le fait de s'écarter de ce qu'il a interdit. Le fait de s'écarter de ce qu'il a interdit. Et nous avons bien dit écarter. Nous n'avons pas utilisé le verbe délaisser. Car de la même façon qu'il y a une différence en arabe entre le fait de dire taraka et le fait de dire ishtanab, il y a une différence entre le fait de dire délaisser et le fait de dire s'écarter. Le fait de s'écarter, c'est plus fort que le simple délassement. Donc en plus de te délaisser, tu dois t'écarter. Et c'est comme si tu laissais la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un endroit et que toi, tu te dirigeais vers un endroit éloigné. Le quatrième point impliqué par l'attestation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Mohammed est le messager d'Allah, c'est le fait de n'adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré. Adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui exclut toute innovation dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après la mère des croyants, Aïcha, radiyallahu anha, qu'Allah l'agré, qui a rapporté du prophète alayhi salatu wa sallam, qui lui disait, celui qui œuvre celui qui accomplit une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, alors cela lui sera rejeté. Alors cela lui sera rejeté. Naam. Donc toute innovation est contraire ou contredit l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le messager d'Allah. Donc le quatrième point impliqué par cette attestation-là, c'est le fait de n'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Naam. Quatrième point concernant l'explication de cette seconde leçon, les conditions de la ilaha illallah. Donc nous retournons à la ilaha illallah. Les conditions de la ilaha illallah, leur origine, c'est le Coran et la Sunna. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et elles ont été réunies par les ulama. Et c'est important de savoir cette chose-là. Pour répliquer à ceux qui te disent, rapporte-moi un seul verset ou rapporte-moi un seul hadith dans lequel il serait dit que les conditions de la ilaha illallah sont au nombre de sept, comme vous le prétendez. Il faut savoir que les ulama ont utilisé un procédé qui est appelé l'istiqra. L'inspection inductive. Qu'est-ce que c'est que l'istiqra? L'inspection inductive, c'est le fait que les ulama, ils parcourent les textes du Coran et de la Sunna, et qu'à partir de là, ils en arrivent à certains résultats. Et que par exemple, quand ils parlent de Tawhid, ils se sont rendus compte de suite au fait d'avoir parcouru les textes du Coran et de la Sunna. Ils se sont rendus compte que le tawhid, c'était soit que les textes qui parlent de tawhid, soit ils évoquent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-rububiyya, soit ils évoquent les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-asma wa sifat, soit ils évoquent le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration. Et c'est à partir de là qu'ils ont dit le tawhid, il est divisé en trois, et les trois types, donc les trois branches que nous venons de mentionner. Et c'est pareil ici pour la ilaha illallah. Les ulama donc ont parcouru les textes du Coran et de la Sunna, et ils se sont rendus compte que les textes qui font mention de la ilaha illallah, ils font mention également des sept conditions que nous allons aborder, Incha'Allah ta'ala. Et nous pouvons trouver dans quelques récits qui ont été rapportés des salafs, les pieux prédécesseurs de cette communauté, nous pouvons trouver des paroles qui font allusion et référence à l'existence de conditions. « Allah ilaha illallah ». Parmi ces paroles-là, celle de Wahb ibn Munabbih, lorsque une personne est venue le questionner, il lui a dit « La ilaha illallah n'est-elle pas la clé du paradis ?»« La ilaha illallah n'est-elle pas la clé du paradis ?» Wahb ibn Munabbih a dit « Certes, mais sache qu'il n'y a pas de clé sans dents. Et si tu te présentes avec une clé sans dents, alors sache que la porte ne te sera pas ouverte jusqu'à ce que tu viennes avec une clé munie de dents. La ilaha illallah, c'est donc la clé du paradis, mais il faut impérativement qu'elle soit munie de ces conditions que nous allons aborder, qui ont été comparées ici, dans une image, une métaphore, aux dents de la clé qui te permettent d'ouvrir la porte. Également, nous retrouvons que référence est faite à ces conditions-là dans une parole de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui, alors qu'il assistait à l'enterrement de l'épouse de Farazdaq, qui était un poète de son époque, donc de la deuxième génération de l'islam, Farazdaq, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, était l'auteur de quelques écarts de conduite dans ses poèmes. Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Al-Hassan al-Basri, lorsqu'il s'est présenté donc à l'enterrement de l'épouse de Farazdaq, alors que Farazdaq était âgé, il lui a dit, il a voulu le sermonner, il a voulu l'exhorter, il a voulu lui rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin de l'enterrement, il lui a dit, qu'as-tu préparé pour ce jour-là? Farazdaq lui a alors dit l'attestation que la ilaha illallah, que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah depuis 60 ans. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, lui a dit « Quelle bonne provision ! Quelle bonne provision ! Mais méfie-toi de porter atteinte à l'honneur des femmes chastes. » Il a voulu par là lui faire comprendre que « La ilaha illallah », le fait de prononcer « La ilaha illallah », c'est une chose, mais qu'il faut également avoir à l'esprit qu'il y a des choses qui viennent diminuer de la valeur, de l'attestation de la personne, que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, notamment les actes de désobéissance. Et également, qu'il y a des choses qui peuvent même annuler et rendre vaine cette attestation-là. Dans une autre version de cette anecdote, Al-Hassan al-Basri, lorsque Farazdaq lui a dit l'attestation que la ilaha illallah depuis 60 ans, il lui a dit, ça c'est le pilier. Mais qu'as-tu donc fait des cordes qui le tiennent? Il faisait référence au pilier d'une tente. Comme vous le savez, donc, chez les Arabes, donc, il y avait ce système de tente qui était répandu, donc surtout chez les Bédouins, Naam. Ce système de tente qui était répandu et propagé et très utilisé. Et il lui a donc dit, ça c'est le pilier de la tente. Mais qu'as-tu fait? At-tonob, c'est quoi? C'est les cordes qui permettent de tenir la tente. Et certes le pilier, comme son nom l'indique, c'est le pilier. Mais il y a également les cordes qui permettent de tenir la tente qui sont très importantes. Et ici, c'est également une image qui fait référence aux conditions de la ilaha illallah. Ces conditions-là, nous les avons énumérées. Lorsque nous avons lu la parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous avons donc cité le savoir, qui est donc l'inverse de l'ignorance. Nous avons également cité la certitude, qui est l'inverse du doute. Nous avons également cité la véracité, qui est l'inverse du mensonge, ainsi que la sincérité, qui est l'inverse de la duplicité et du polythéisme. Nous avons cité également l'acceptation, qui est l'inverse du rejet. Nous avons cité la servilité ou la soumission. Naam. Et nous avons enfin cité al-mahabba, l'amour, qui est l'inverse de la détestation. La connaissance, donc, ou le savoir, ça vise le savoir qui est lié au sens de la ilaha illallah. Donc, dans un premier temps, première condition, il faut que tu connaisses. Naam. Il faut que tu connaisses le sens de la ilaha illallah. Et nous avons vu tout à l'heure que la ilaha illallah, ça signifiait, qui c'est qui nous le rappelle? Naam. La ilaha illallah, ça signifie, Zakaria, nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cette condition-là dans sa parole, dans la sourate Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Sache qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées qu'Allah. Et il a également fait référence à cette condition-là dans sourate Az-Zukhruf, lorsqu'il a dit illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun, si ce n'est ceux qui attestent avec vérité alors qu'ils savent. Donc nous retrouvons à nouveau la condition du savoir. Également dans le hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Uthman ibn Affan, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, entrera au paradis. Nous avons donc retrouvé dans ces quelques textes la condition du savoir, de la science liée au sens de la ilaha illallah. Deuxième condition, la certitude. Et la certitude, c'est un degré qui est supérieur à celui de la science et du savoir. Car le fait de savoir, c'est une chose, et c'est très important, c'est même indispensable, mais ça ne suffit pas. Il faut également, en plus de la science, réunir la certitude dans son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Hujurat: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Les vrais croyants sont ceux qui croient à Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah, dans le sentier d'Allah, ceux-là sont les véridiques. On trouve donc parmi les caractéristiques de ces croyants le fait qu'ils croient à Allah et en son messager et qu'ils ne doutent point. Et nous avons vu que le doute, c'est quoi? C'est l'inverse de la certitude. Naam. وَالْضِدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الْضِدُّ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. Tu connais une chose, ou la valeur d'une chose par son inverse, et par leur inverse, tu connais les choses, naam. Et donc, en sachant qu'il ne faut pas douter, tu comprends l'impérativité de faire preuve de certitude et du fait que c'est une condition. Et dans le hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'atteste qu'il n'y a d'autre divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et j'atteste que je suis le messager d'Allah. Nul ne rencontre Allah avec ces deux paroles en n'ayant aucun doute à leur sujet sans entrer au paradis. Donc nous retrouvons à nouveau la notion de doute, ce qui nous montre donc l'impérativité de faire preuve de son inverse, à savoir la certitude. La certitude est donc une condition de la ilaha illallah. Dans une autre version, il ne se peut qu'une personne rencontre Allah avec ces deux paroles. Donc j'atteste que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, en n'ayant aucun doute en leur sujet, puis qu'Allah l'empêche d'entrer au paradis. Également dans le hadith rapporté par les musulmans toujours, d'après Abu Huraira, c'est un long hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira, il lui a dit, annonce la bonne nouvelle à toute personne que tu rencontrerais derrière ce mur, donc il y avait un mur devant eux, que tu rencontrerais derrière ce mur, et qui témoigne qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et dont le cœur en est certain qu'elle fera partie des gens du paradis. Qu'elle fera partie des gens du paradis, donc tu retrouves à nouveau la condition de la certitude. Troisième condition, la véracité, qui est l'inverse du mensonge, et qui consiste en ce que le cœur, il soit en accord avec la bouche, avec la langue. Et que la personne qui dit la ilaha illallah avec sa bouche, elle reconnaisse également cette chose-là avec son cœur. Et il faut savoir que la véracité, c'est la conséquence de la certitude. La véracité, c'est la conséquence de la certitude. Car la personne qui a la certitude que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, ça va la pousser à être véridique lorsqu'elle va dire « La ilaha illallah ». D'ailleurs, aucune de ces deux conditions n'ont été remplies par les hypocrites qui se caractérisaient par le doute d'une part, le doute qui est l'inverse de la certitude, et qui se caractérisait également par le mensonge, qui est l'inverse, Ismaël, le mensonge, qui est l'inverse de la véracité. Donc il se caractérisait par le mensonge, qui est l'inverse de la véracité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, concernant cette condition-là, Alif lam mim, hasiba an-nasu an yutraku, an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dans Sourate Al-Ankabout, le tout début de Sourate Al-Ankabout, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah fait apparaître les véridiques et ceux qui mentent, afin que se réalise ce qu'ils savaient d'eux. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons à Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie. Et Allah fait croître leur maladie. Et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Nous retrouvons ici que ces gens-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé, et auxquels il a promis un châtiment douloureux, nous voyons que ce que leur bouche prononçait n'était pas en accord avec ce qu'il y avait dans leur cœur. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté un hadith de Mu'ad ibn Jabal qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne ne témoigne qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est son esclave et messager véridiquement et du plus profond de son cœur sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le protège du feu. » Nous retrouvons ici la condition de la véracité. Nous retrouvons ici la condition de la véracité lorsque nous prononçons « La ilaha illallah ». Également parmi ces conditions-là, il y a l'ikhlas, la sincérité, le monothéisme sincère. Et c'est la plus importante de toutes les conditions. C'est la plus importante. Et quand nous disons que c'est la plus importante, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Ça reste relatif. Et elle vise dans un premier temps la prononciation de l'attestation de foi. Elle vise dans un premier temps, donc lorsque nous parlons de la ilaha illallah et de ses conditions, et que nous disons que parmi ces conditions-là, il y a la sincérité, nous visons la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala en prononçant l'attestation de foi. Na'am. C'est-à-dire que tu vises par cette attestation-là l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa récompense dans l'au-delà et tu cherches à t'écarter de son douloureux châtiment. Même si en réalité cela va impliquer que les œuvres qui vont suivre soient également uniquement vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci en réalité a déjà été abordé lorsque nous avons parlé, traité des deux piliers de l'attestation de foi. Naam. Et nous pouvons différencier cette condition de la précédente, à savoir la véracité, donc différencier la véracité de la sincérité, par la connaissance de leurs opposés. Donc toujours, parfois, tu peux comprendre une chose en te la faisant expliquer en elle-même et également en abordant son inverse. Et si le contraire de la véracité, nous avons vu que c'était le mensonge qui est une caractéristique des hypocrites. Alors que le contraire de la sincérité, c'est le fait de vouloir autre qu'Allah, c'est la duplicité, c'est le polythéisme, qui cette fois-ci donc est une caractéristique des polythéistes. Donc, la véracité, c'est l'inverse du mensonge, et le mensonge, c'est une caractéristique des hypocrites. Et donc nous avons dit que la ilaha illallah, parmi les conditions, donc il y a la sincérité, et que la sincérité, son inverse, c'est la duplicité et le polythéisme, qui est une caractéristique donc des polythéistes, et nous comprenons donc par là même la différence qu'il y a entre la véracité et la sincérité lorsque nous parlons de la ilaha illallah. Parmi les conditions, ou parmi les preuves qui montrent la ilaha illallah, que la ilaha illallah a comme condition la sincérité, il est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Ala lillahi d-dinul khalis » La religion sincère n'appartient-elle pas à Allah ? Dans surat Az-Zumar. Ainsi que sa parole subhanahu wa ta'ala, « Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu d-dina hunafa, wa yuqimu s-sala, wa yu'tu s-zaka, wa dhalika d-dinul qayyima » Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte sincère. Également, Al-Bukhari a rapporté, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: les gens les plus comblés par mon intercession sont ceux qui auront dit la ilaha illallah sincèrement et du plus profond de leur cœur ou de leurs âmes. Sincèrement ou du plus profond de leur cœur ou de leurs âmes. Également, comme condition, il y a l'acceptation. L'acceptation, al-qaboul, qui est un degré supérieur à celui de la certitude. Qui est un degré supérieur à celui de la certitude. En effet, donc, il existe des personnes qui remplissent les deux premières conditions citées, mais qui n'ont pas fait preuve d'acceptation vis-à-vis de la ilaha illallah. C'est le cas d'Iblis. Donc tu as des gens qui connaissent la ilaha illallah, ce que ça veut dire, qui savent ce que ça veut dire. Également, qui en ont la certitude de cette chose-là, mais qui ne l'ont pas acceptée. C'est le cas d'Iblis. Naam. Et c'est le cas d'Abu Talib. Iblis, il savait ce que signifie la ilaha illallah. Il avait la certitude de cette chose-là, naam, mais il ne l'a pas acceptée, il a refusé de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. De même que Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissait ce que veut dire la ilaha illallah, qui reconnaissait la validité de cette chose-là, qui reconnaissait la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est d'ailleurs celui qui a dit: وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانَ الْبَرِيَّةِ دِينَ لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. J'ai certes su que la religion de Mohammed était la meilleure des religions de la création, et sans la crainte des blâmes et des injures, vous m'auriez vu dévoué à elle de manière évidente. Vous m'auriez vu dévoué à elle de manière évidente. Et je fais une petite parenthèse pour les frères de Paul Talk qui interviennent et qui nous envoient des messages sur notre compte, des messages intempestifs et, excusez-moi le terme, stupides, et qui plaisantent avec nous sur des choses qui ne sont pas opportunes, naam, et qui troublent le bon fonctionnement du cours et qui causent donc des problèmes de micro. Donc on leur demandera de s'abstenir, barakallahu fihim, et si jamais il y a un enseignement à tirer de ces quelques modestes cours, qu'ils essaient donc d'en profiter. Wallahu al-musta'an. Concernant donc l'acceptation, le kaboul, le Cheikh Ibn Baz disait, comme cela a été recensé par Al-Tayyar dans Majmou' al-Fatawa, donc un recueil de fatwa de Cheikh Ibn Baz, lorsqu'il a parlé de l'acceptation, il a dit: c'est que celui qui accepte ou qui atteste que la ilaha illallah, il accepte ce que signifie cette attestation comme exclusivité du culte à Allah et comme rejet de l'adoration d'autres que lui, et qu'il ait la ferme conviction que tout cela lui incombe, donc qu'il est redevable de cette chose-là, en plus de reconnaître de la validité de cette chose et de sa véracité, il se doit de reconnaître et d'avoir la ferme conviction qu'il est redevable de cette chose-là et qu'il lui incombe à lui, naam, de vouer le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de rejeter l'adoration d'autres que lui. Et également qu'il agrée cette chose-là. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate As-Saffat: innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Quand on leur disait la ilaha illallah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient: allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Quand on leur disait la ilaha illallah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient: allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Donc, ils n'ont pas accepté cette chose-là. Et l'acceptation, chers frères, c'est la base de la condition qui va suivre, à savoir l'inqiyad. À savoir l'inqiyad, la servilité, qui consiste à se guider à partir de ce qu'implique la ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam. La ilaha illallah, ça implique. Ça implique des choses. Ça implique des choses. Et parmi les conditions de la ilaha illallah, il y a le fait de faire preuve de servilité vis-à-vis de cette chose-là et de s'y soumettre et de se guider avec. Cheikh Ibn Baz disait donc, comme cela a été recensé donc toujours dans Majmou' al-Fatawa, c'est se soumettre à ce que cette attestation signifie, à savoir adorer exclusivement Allah et se soumettre à sa loi, y croire et reconnaître qu'elle n'est que vérité. Quant à celui qui ne fait pas cela et s'enorgueillit, il n'est pas musulman, à l'instar d'Iblis et de ses semblables. Ainsi l'acceptation, la condition que nous avons vue juste avant, elle réside dans le fort intérieur de l'individu, dans son cœur. Tandis que la servilité se manifeste dans ses actes. Tandis que la servilité se manifeste dans ses actes. Allah subhanahu wa ta'ala dit comme dans sourate Az-Zumar, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Et il a également dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Et qui est meilleur en religion que celui qui soumet son visage à Allah. Ainsi que dans sa parole dans sourate Luqman, وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et quiconque soumet son visage à Allah tout en étant bienfaisant s'accroche réellement à la hanse la plus ferme, et la hanse la plus ferme c'est la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala a également dit, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Ça concernait donc cette condition qui est la servilité. Rajoutons aux conditions que nous avons mentionnées l'amour, al-mahabba. Tu dois également faire preuve d'amour vis-à-vis de la ilaha illallah. Et ça consiste à aimer Allah, aimer son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il doit découler de cet amour-là le fait d'aimer les croyants et de les prendre comme alliés. Le fait d'aimer les croyants et de les prendre comme alliés, et de détester les mécréants et de se désavouer d'eux. Détester les mécréants et de se désavouer d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Baqarah a dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti allahu biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbuna, adhillatin ala al-mu'minin, a'izzatin ala al-kafirin, yujahiduna fi sabilillah, wa la yakhafuna lawmata la'im. Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Comme dans Surat Al-Ma'ida. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté le hadith de Anas ibn Malik, qu'Allah l'agré, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il disait, il est trois choses qui, si elles se rassemblent chez une personne, permettront à celle-ci de goûter à la douceur de la foi. Halawatul iman, la douceur de la foi. Qu'Allah et son prophète lui soient plus chers que toute autre chose. Qu'Allah et son prophète lui soient plus chers que toute autre chose. Qu'elle n'aime autrui que pour Allah. Et qu'elle déteste retourner dans la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvée, comme elle détesterait être jetée dans le feu. Comme elle détesterait être jetée dans le feu. Wal'iyadu billah. Huitième condition qui a été citée par Cheikh Ibn Baz. Renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et cette condition-là, elle a été citée par l'auteur, Cheikh Ibn Baz, et par d'autres ulama avant lui. Leur but, c'était d'insister sur l'importance de cette chose-là. Elle a cependant déjà été abordée. Et ce, je pense que vous vous en rappelez, lorsque nous avons dit que la ilaha illallah, elle a deux piliers. Naam. La négation et l'affirmation. La négation, c'est que tu nies que quiconque mérite d'être adoré. Naam. Et ensuite, tu affirmes ce droit-là à Allah subhanahu wa ta'ala, ce droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'affirmation. Donc tu retrouves dans la négation, tu retrouves en vérité cette huitième condition, renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est pour cela que la majorité des savants ne la citent pas. C'est pour cela que la majorité des savants ne la citent pas, étant donné qu'elle est déjà abordée lors de l'explication de la shahada. Naam. Il faut savoir que ces conditions que nous avons mentionnées constituent de grands fondements sur lesquels repose la ilaha illallah. Et elles incluent un grand nombre d'actes du cœur et des membres. Elles incluent, elles comprennent donc un grand nombre d'actes du cœur et des membres. Et certaines personnes, ils ont voulu remettre en question ces choses-là. Et ils ont commencé à citer justement ces actes du cœur et des membres qui en réalité sont inclus dans les sept conditions que nous venons de voir. Et ils ont dit, alors pourquoi on ne compte pas telle chose également comme étant une condition? Pourquoi on ne compte pas tel acte et tel acte comme étant également une condition de la ilaha illallah? Mais en vérité, toutes les choses qu'ils ont citées, elles sont déjà incluses dedans. Et on a dit que les conditions de la ilaha illallah que nous avons vues, ils constituent de grands fondements sur lesquels reposent beaucoup d'autres actes du cœur et des membres. Et en vérité, le fait de remettre en question ces choses-là, ça constitue une scission au chemin emprunté, à la voie empruntée par les savants de la communauté qui n'ont jamais remis en question ces choses-là. Donc, il n'y a pas nécessité à venir semer le doute dans l'esprit des musulmans. C'est donc une scission à la voie empruntée par les ulama de la sunna qui n'ont jamais contesté cette chose-là. Naam. On s'en tiendra à cela pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, inshallah, on abordera la troisième leçon qui concerne l'iman, la foi. Et ses piliers. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et on continue dans quelques minutes pour le second cours, inshallah ta'ala.